Au musée du Nord-Pas-de-Calais, Juliette, vous êtes au Louvre-Lens, évidemment. Et oui, nous sommes au Louvre-Lens, où nous irons, bien évidemment, pendant les vacances de la Toussaint. Hein. C'est vraiment un lieu d'accueil, un lieu de visite, bien sûr. Et puis, un lieu d'amusement et de découverte pendant ces vacances de la Toussaint. On est avec Marion Charnot, chargée de la médiation. On a parlé des ateliers. Maintenant, j'aimerais que vous nous donniez le programme, Marion, de ce que la scène, votre salle de spectacle, propose. Et en même temps, à la scène, dans la salle, mais aussi dans les couloirs du musée, dans les espaces du musée. Oui, c'est ça. Donc, comme je vous l'ai dit, on va proposer un marathon Harry Potter à la scène, mais il y aura aussi des choses à l'intérieur du musée. Et notamment, le 25 octobre, à 15h, nous donnons rendez-vous aux plus jeunes, aux familles, au centre de ressources, au musée, pour le spectacle Kawataro, qui a été réalisé en partenariat avec le 99 bis. C'est un concert qu'on vous invite à venir partager en famille. Et pour dévoiler un petit peu l'histoire, le Kawataro, c'est un animal fantastique japonais. Donc il y a cette salle de spectacle qu'on découvre, des spectacles un peu magiques à l'intérieur du musée. Et puis, eh bien, vous allez aussi voir le monde à l'extérieur, puisque vous nous donnez rendez-vous dans des espaces autour du Louvre-Lens. L'idée, c'est que on n'est pas forcément obligé de venir au musée pour découvrir les œuvres d'art. C'est pour ça que depuis plusieurs années, on se rend aussi dans les galeries commerçantes. Donc nous avons des partenariats avec la galerie Au Shopping Noyelle Godot, ainsi qu'avec la galerie Westfield Euralille. Et donc nous serons présents successivement dans ces deux galeries pendant les vacances de la Toussaint pour proposer aux gens qui viennent flâner, faire leurs courses, de s'arrêter quelques instants et de partager avec nous un petit atelier de création. Donc l'idée, c'est vraiment de faire découvrir les œuvres et puis de donner envie aux participants eh bien, de revenir nous voir en vrai, en chair et en os, au musée. En chair de poule et en os, même pourrais-je dire en Exactement, ce moment. Exactement, tout à fait. Avec les animaux fantastiques. Pour Halloween, là, ça s'y prête. Je regarde ce programme, Marion, et il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est que je vois que beaucoup d'ateliers sont gratuits. Et moi, je trouve ça tellement extra de s'ouvrir à tous et de penser aussi que le porte-monnaie, parfois, c'est un peu difficile et que les musées, votre musée, le Louvre-Lens, eh bien, nous engage à venir, nous invite à venir, ouvre ses portes dans des moments de gratuit et ça, c'est super important. Tout à fait. C'est-à-dire que vraiment, pour le Louvre-Lens, le prix d'entrée ne doit pas être un frein à la visite. Donc, on a énormément de formats qui sont gratuits, qui permettent aussi de venir, de rester le temps que l'on souhaite et puis peut-être de repartir. C'est ce que l'on propose avec les ateliers créatifs de la médiathèque, qui sont sur inscription, mais qui sont gratuits. Et ça vous permet de rester avec votre cellule familiale ou amicale 10 minutes, un quart d'heure, une heure, en fonction de vos possibilités et de vos envie. Quand vous êtes au musée, n'hésitez pas à aller à la rencontre justement de ces médiateurs, de ces médiatrices qui sont là pour vous transmettre leur passion et pour vous accueillir. Grand Exactement. Merci Marion Charnot, c'est au Louvre-Lens, les animaux fantastiques, c'est la thématique du moment avec les ateliers de la Toussaint. Bravo pour votre passion, celle que vous transmettez aussi aux auditeurs de France Bleu Nord. Je vous souhaite de belles vacances, bien mouvementées et fabuleuses. Merci Juliette, à bientôt. Vous préparez votre visite sur le site du Louvre-Lens. Attention, il faut s'inscrire pour certains ateliers. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure pour l'agenda des sorties. Nous irons du côté du Valenciennois retrouver une figure de notre région, Monsieur Mousseron. Ouh, Jules Mousseron, oui. Pour s'inscrire aussi et préparer votre visite pour la grande expo Animaux Fantastiques, c'est louvrelens.fr le site. Merci Juliette. Je vous rappelle les auditeurs, louvrelens.fr, allez-y. Retenez bien le Louvre-Lens, ça vous servira peut-être tout à l'heure pour un jeu. Je dis ça, je ne dis rien. Graver l'écorce jusqu'à saigner, clouer les portes, s'emprisonner, vivre des songes à trop veiller, prier des ombres et t'en marcher. J'ai beau à toi. passe les jours, vie de sillon, dans la raison, mais sans amour, passe ma chance, tourne les vents, reste l'absence, obstinément, j'ai guitare pleurante, oui, je veux dire pleureuse, comme vous voulez, faites comme vous voulez, lancinante, voilà, j'aime bien, ça va mieux. La guitare lancinante à l'instant qui termine ce Goldman, qui est un classique, un patois à l'instant, un peu de douceur, je me suis dit, dans l'après-midi. Puis après, on va filer à New York, là, j'ai un petit rencard à New York sur la 5e avenue, sur la cathédrale Saint-Patrick, voilà, parce que je l'aime beaucoup, et puis on a téléphone en même temps qui nous emmène à New York tout de suite. Un jour, j'irai à New York avec toi. Ça va de soi, avoir la vie partagée, tailladée, percée par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider et saigner, et saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chat, un autre rat. Facile que la vie dans toi, tu m'emmèneras. J'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans les clubs il fait noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois. Et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs en parfois. La couleur des sons que tu bois. Et puis c'est tellement grand que vite on oubliera. Que nulle part, c'est chez moi. Chez toi, chez nous quoi. Un jour moi. Eh ben voilà. Je vous emmène à New York avec Jean-Louis et toute la bande avec téléphone à l'instant. New York avec toi, la Big Apple, elle est juste magnifique. Vous n'aimez pas Paris peut-être comme moi, mais alors moi non plus, mais je me suis dit à New York la première fois, je vais pas aimer. J'ai adoré, rien à voir, il y a un bon feeling, les avenues sont larges, il y a beaucoup de lumière et c'est propre à côté de Paris. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie ? Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Nord, ici, on parle d'ici. Oui, on va regarder la route d'ici. La 22 dans les deux sens, c'est chargé, c'est rouge. Gand-Lille, Lille-Gand, hein, je vous le dis. Rocade Nord-Ouest sur toute sa longueur, ça roule pas bien. Et en bas de tout ça, on a la 25, secteur d'Anglo. Ça commence à partir de après la courbe de l'Os, le ralentissement. Ça continue jusqu'à Entier-en-Web, donc forcément, Anglo est chargé. Et d'ailleurs, quand vous venez de la Rocade Nord-Ouest, la jonction, la courbe qui vous amène sur la RN41 est très très ralentie sur 4 à 500 mètres à peu près. Donc méfiez-vous, RN41, grosse densité à partir de Centre jusqu'au rond-point de Fourne, rond-point d'Illy également. On a du monde sur la traversée de Villeneuve-d'Ascq, sens Gand-Lille. Donc on est sur la 227, hein, ça commence même avant, secteur de Villeneuve-d'Ascq, courbe de Babylone et boulevard du Broc, hein, c'est aussi son nom, de la 227 au boulevard du Broc. Sur sa première partie, c'est chargé. En bas de tout ça, beaucoup de monde sur le tronc commun de la 22. Ça commence fin de la 27 et fin de la 23, hein, les fins des autoroutes là. Les terminaisons, on va dire, commencent à bien se charger. Et d'ailleurs, toute terminaison de la 227 là aussi, hein, pour rejoindre ce tronc commun à 22, est bien rouge aussi, et donc jonction avec l'A1 dans la courbe de l'Équin pour prendre l'A1 vers Paris, un peu difficile. L'A1 est ralenti jusqu'à Vandeville-Templemar, hein. Ensuite ça roule, mais ça freine à Falampin à nouveau jusqu'au pont de Dourges. Pont de Dourges, très ralenti, parce que à partir d'Auby sur la 21 en direction de Lens, on a ce ralentissement, alors c'est pas l'arrêt évidemment, mais c'est une bonne densité de trafic, hein, jusqu'à arriver sur le secteur de Loison sous Lens. Attention, la terminaison de la Nationale 47 pour rejoindre le contournement de Lens, là aussi, en direction de Loison, est bien chargée aussi. On a pas mal densité, on va dire, sur le secteur. Et puis la 2 aussi dans les deux sens, Bruxelles-Paris, Paris-Bruxelles, c'est chargé aussi, méfiez-vous. On n'est pas à l'arrêt, mais on commence à avoir une forte densité de trafic. Là où c'est très rouge, c'est sur le secteur de la 16, hein, la zone de travaux. Entre Saint-Folquin et Lonne-Plage, là, on a toujours cette densité de trafic, 8 km et un quart d'heure de temps de parcours en plus. Et dans le sens Dunkerque-Calais, de Grande-Synthe à Bourbourg, pratiquement là aussi, on a cette densité un peu moins, peut-être, un peu moins chargée, mais enfin, vous êtes par moment à l'arrêt. Méfiez-vous tout de même. 16h32. Info, trafic, musique, découverte, culture et bonne humeur. C'est le 16-19 sur France Bleu Nord. Philippe Salé. Il arrive dans un instant, Olivier Paulet, avec ses 200 raisons d'aimer Schnorr-Pas-de-Calais. Et moi, je vous offre pour l'heure, tout de suite, dans la voiture, montez le son, sympa, un petit Pink. Just give me a reason. Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty. And with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep. Oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. J'aime bien les dernières notes de piano, voilà. Je voulais pas vous les gâcher. Enfin, je l'ai un peu fait en parlant dessus, mais enfin. Pink, just give me a reason. Une bonne raison de nous écouter, d'être fidèle à France Bleu, c'est Olivier Paulet. Un gars formidable. Il a 200 raisons d'aimer le Nord-Pas-de-Calais, Olivier. 200 raisons d'aimer le Nord-Pas-de-Calais. Raison numéro 12. Airain. Ah, on en est fiers de la commune d'Hérin. Qu'est-ce que c'est ? Attendez avant de grogner. Hérin, sans H, hein, c'est un petit village du Ternois dans le Pas-de-Calais. Et Hérin, pendant la guerre 14, c'était le dépôt du tank corps britannique, en clair, l'atelier anglais de réparation des tanks. C'est une bêtise, non ? Bah écoutez, si vous ne me croyez pas. Hérin, contrairement à ce que l'on peut penser, n'est pas du tout une petite commune méconnue et anodine. Ça a été un des lieux stratégiques de la victoire en 1918. Voilà, et qui c'est qui les réparait sur place à Hérin, les chars ? Bah moi, je sais pas, moi ! Des Chinois. Bah merde alors ! 1916, l'armée anglaise s'installe au château de Bermicourt. L'état-major implante à Hérin les ateliers de tanks britanniques et la petite commune du Ternois devient un lieu stratégique et le plus grand site d'entraînement, de livraison et de réparation de tanks de la Première Guerre mondiale. Le point de départ de la préparation logistique pour les grandes batailles comme celle de Cambrai en novembre 17. Alors ? J'y arrive. C'est là que 500 ouvriers chinois arrivent chez nous pour travailler dans les ateliers. Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Bah vous allez réparer des chars, les gars. Oui, en 1916, l'Europe en guerre manque de main-d'œuvre et fait appel à ses colonies pour trouver des hommes capables de défendre et reconstruire la France. Du coup, en accord avec les Alliés, elle négocie la venue de Chinois engagés comme travailleurs. Ils viendront grâce aux accords tripartites France, Angleterre, Chine. Des mécaniciens industriels chinois ont ainsi contribué d'une certaine manière à la victoire de 1918. S'il n'y avait pas eu les ateliers de tanks d'Hérin, s'il n'y avait pas eu les travailleurs chinois, on perdait la guerre. C'est pas de la news, ça. Ah, ouais. D'ailleurs, le roi George V et la reine Mary d'Angleterre sont venus visiter le site à l'époque. Et pour ne pas oublier les travailleurs chinois du Ternois, un projet de musée est envisagé. Merci Olivier Paulet. Vous retrouvez Olivier C'est de son raison sur francebleu.fr, le site de votre radio évidemment. Une carte pour vivre le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort. C'est le Club France Bleu Nord. Le Club France Bleu, vous gagnez votre carte de membre dans un instant. Elle est valable un an. Vous allez sur le site. Chaque semaine sur le site, il y a un cadeau qui est mis en jeu. Super cadeau. Hein. Seuls les membres du club peuvent participer. Ça se passe par tirage au sort. Quand on est membre du club, on s'inscrit si le cadeau vous intéresse. Et vous pouvez donc participer au tirage au sort qui a lieu en général le week-end. Et il y a un, deux, trois gagnants. Ça dépend. Voilà, chaque semaine, il y a un cadeau différent chaque semaine et il y a un ou plusieurs gagnants. Et c'est uniquement par tirage au sort. Et pour être membre du club et gagner la carte tout de suite, je vous pose la petite question suivante. Vous allez voir qui, de quel lieu nous parlait plutôt Juliette Delannoy. Il y a même pas une demi-heure, une vingtaine de minutes à peu près, 25 minutes dans son rendez-vous côté culture. Elle nous emmenait dans un beau lieu de la région, un lieu de culture justement. Quel était cet endroit ? 03 20 55 89 89. It's My Life, regretté chanteur de Tok Tok, hein, avec son look incroyable. Tok Tok, un des bons souvenirs des 80s, It's My Life. Vous êtes à la recherche d'un emploi ou en reconversion professionnelle ? Formez-vous au métier qui recrute. Demandeur d'emploi, la région Hauts-de-France finance à 100% votre formation. Avec la région, je me forme au métier de demain. Plus d'informations au 0800 026 080 ou sur www.hautdefrance.fr. Info, trafic, musique, découverte, culture et bonne humeur. C'est le 16-19 sur France Bleu Nord. Philippe Salé. Yes, et Gaël qui nous rejoint tout de suite. Gaël qui a gagné sa carte du club des auditrices, évidemment. Bonjour Gaël. Oui, bonjour Philippe. Bonjour et bienvenue. Merci. Vous habitez à La Punois, c'est ça ? Tout à fait, oui. Ouais, vous faites quoi là en nous écoutant cet après-midi ? Ah bah là, je suis en train de rentrer du travail. Je m'en doute, beaucoup d'auditeurs sont dans la voiture. Ouais, c'est sorti, ouais. Ça va, ça c'est roule. L'heure à laquelle je vous écoute. En y allant et en revenant du travail, je vous écoute entre deux, forcément, moins. Ouais, ouais, parce que vous travaillez, hein, c'est normal aussi. Ouais. Hein. Il y a un moment, il faut bien gagner sa pitance, comme on dit. Voilà, tout à fait. Le matin, vous écoutez Pascal, alors ? Oui. Ouais. Oui, oui, on l'embrasse. Pascal, ouais. On t'embrasse. Gaël, t'écoute le matin, Pascal Tote. Et puis le soir, vous rentrez avec moi, évidemment. Bah, ça fait plaisir, voilà. Gaël, ça fait plaisir. Merci. Vous habitez à La Punois, donc sur la route du retour à la maison, avec une réponse à la question que j'ai posée. Quel est l'endroit dans lequel nous emmenait Juliette Delannoy ? Donc le Louvre-Lens. Le Louvre-Lens, effectivement, le Louvre-Lens. C'est l'endroit où l'on était sur France Bleu tout à l'heure, avec Juliette Delannoy, le beau musée du Louvre-Lens. Vous y êtes déjà allé ? J'y suis déjà allée, pas pour la toute dernière exposition sur les animaux fantastiques. Que nous présentait Juliette, ouais. J'y suis déjà allée pour l'Égypte, je crois, c'était... Ouais. C'était un petit moment. Hein, mais... il y a un moment, il y a quelques années même, me semble-t-il, hein, un an ou deux ans. J'y étais allé, moi, pour un reportage pour la radio, justement. Donc, j'avais eu l'occasion de visiter avec la directrice, en plus, l'expo, lors d'un reportage. En VIP. Oui, en quelque sorte, pour le travail, quoi. Oui, en VIP, vous pouvez dire, parce que ça donne un peu cette impression, même si on est en train de travailler pour la radio. Mais c'est vrai que j'ai eu le plaisir, justement, de voir de très, très belles choses. Et l'expo, d'une manière un petit peu différente, mais de voir les mêmes pièces que voient les visiteurs. Hein, donc, c'est superbe endroit. Le Louvre-Lens, ça vous permet d'avoir votre carte du club des auditrices. Ahmed vous l'envoie. Dès que vous la recevez, vous la validez sur francebleu.fr et vous pouvez participer chaque semaine. Il y a un cadeau qui est mis en jeu. Vous pouvez vous inscrire pour le tirage au sort chaque semaine. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup. Merci ma chère Gaëlle. Je me permets de vous faire une bise et bon retour à la maison. Merci, je vous fais également une bise. C'est gentil, j'apprécie. Info, trafic, musique, découverte, culture et bonne humeur. C'est le 16-19 sur France Bleu Nord. Philippe Salé. Et Loulou, Louis Bertignac, peut-être un jour, dans le nouvel album de Louis Bertignac, qu'on écoute depuis quelques mois maintenant. Nouveau single de Louis Bertignac, après je vous prépare un souvenir à un collector, si je vous dis McCartney. Hein ? Peut-être un jour, tout ira mieux. Peut-être amour, avant qu'on soit vieux. Peut-être on pourra s'embrasser, se tendre la main sans s'angoisser. Peut-être on se retrouvera et direct on se reconnaîtra. Mon visage a un peu changé, le tien était si beau, mon cœur l'a gravé. Un jump étoile dans les yeux, on sortira de l'ornière, fini ces gestes barrières. Peut-être un jour de vive voix, nos petits tambours en harmonica. Je te soufflerai comme je t'aime, et nos larmes emporteront toutes ces peines. peut-être à jour, pas dans un jour ou deux, non. Maintenant, dans un instant, on va aller faire un tour du côté des hebdos de la région. Évidemment, parce que tous les jours, on s'intéresse à un hebdo et on regarde ce qui fait soit la une de l'hebdo, ou soit l'un des dossiers, des articles qu'on peut retrouver à l'intérieur. Là, on est aujourd'hui avec La Semaine dans le Boulonnais. Le site lasemainedanslboulonnais.fr également. Depuis hier, l'hebdo de la semaine est en ligne. Et depuis aujourd'hui, mercredi, en print, hein, vous pouvez l'acheter dans les kiosques, n'est-ce pas, Arthur? C'est ça, tout à fait. Bonjour Arthur, journaliste Arthur Lasseron, La Semaine dans le Boulonnais. Donc il est disponible en papier aujourd'hui, hein, si vous voulez, ou bien je le disais donc depuis hier sur le net, avec un sujet qui fait la une. C'est Scorman, on dit comme ça, le nom de cette entreprise. C'est la Socarenam. Ah, la Socarenam, alors voilà. Je connais, c'était la Socadance, ok, qui se dansait il y a quelques années. Une des danses de l'été, c'est très vieux. là, cette société livre de nouveaux bateaux, c'est ça. Et c'est à découvrir, ça fait la une, mais un article aussi hein, dans la semaine. Ouais, c'est ça. On a consacré deux pages justement à la Socarenam, hein, qui fait du chantier naval sur Boulogne-sur-Mer et sur la côte d'Opale en général, ouais. Et qui vient justement de livrer deux nouveaux bateaux de 16 mètres de long à la police wow. fédérale belge. D'accord, donc les Belges sont clients, et donc c'est des bateaux de quel type? Alors vous avez dit au niveau taille, mais c'est quel genre de bateau? Alors là, c'est des vedettes, donc des bateaux un peu plus petits que des bateaux patrouilleurs. Les bateaux patrouilleurs de la marine, par exemple, en France, vont de 70 à 90 mètres. Donc là, c'est des bateaux un peu plus petits. Ah oui, carrément. Mais qui demandent quand même des années de construction. Et justement, tout se passe, notamment à Boulogne. C'est bon pour l'économie du Boulonnais, ça? Ah bah ça marche bien, oui. Justement, la Socarenam a un carnet de commandes assez bien chargé. Bien rempli. Avec des commandes qui vont jusqu'au moins 2029. Donc il y a du travail. Ah oui, donc on a un petit point sur cette société que personnellement je connaissais pas. Donc et sur leur activité qui est vraiment en plein essor, hein, ça marche bien. Donc c'est un petit dossier, on va dire économique également sur l'activité maritime navale en tout cas. Et puis la découverte de ces bateaux en photo, j'imagine aussi forcément. Vous avez fait quelques photos. Ouais, aussi justement sur la double page qu'on a consacrée à ce dossier, on a pas mal de photos, justement, les nouveaux bateaux belges flambant neufs qui sont assez bien mis en avant. Ah, de quelle couleur c'est régraphié et comment, de quelle façon ces bateaux? Alors, c'est principalement blanc et gris avec des touches de bleu et de blanc parce qu'on reste quand même français malgré tout. Quand même, ça vient de France. Hein. Ils sont faits en France quand même. Hein. Ils sont faits justement dans le Boulonnais. Merci, mon cher Arthur, pour cet article. C'est vous qui l'avez signé, le dossier? Non, il faut rendre à César. Voilà. César, c'est Louis Nam, mon collègue. Ah, bah c'est Louis, que j'ai eu tout à l'heure aussi, qui est votre collègue Louis Nam, également, qui travaille à La Semaine dans le Boulonnais, qui a signé ce dossier, que vous allez retrouver à la une. On voit les bateaux en une de la semaine? Ouais, sur la page de une, on a l'un des deux bateaux, et en page 4 et 5, les deux autres, les deux bateaux en photo. En photo. Vous pouvez pas les rater, vous pouvez pas manquer la une, La Semaine dans le Boulonnais, quand vous allez l'acheter en print, en version papier. Vous verrez, les bateaux sont en couverture, et puis, allez-y, il y a tout le détail aussi, hein, tout est fourni sur le net, lasemainedanslboulonnais.fr. Les articles, comme on dit, augmentés, parfois il y a des tas de petites choses aussi sur le net, en plus, éventuellement, qu'on peut trouver, hein, n'est-ce pas, Arthur? C'est ça, tout à fait. Ouais, merci beaucoup. À très bientôt pour La Semaine dans le Boulonnais. Salut Arthur. Salut. Alors, je vous avais promis, côté musique, moi, du caviar, un petit McCartney. Mais pas tout seul. Maca est avec Linda, sa femme à l'époque, évidemment, et puis les membres du groupe The Wings. The Wings, c'était le groupe qu'il avait formé quelques temps après les Beatles. Il a, trusté les charts, hein, les hit parades, comme on disait, des années 70, dans les 5 premières places, très souvent avec ses tubes. Celui-ci fait partie de la première version, on va dire, les premières années des années 70, des Wings, avec un superbe album qui s'appelait d'ailleurs Band on the Run, comme ce titre-là, qui démarre lentement, et vous verrez qu'il s'accélère après. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit bijou, Band on the Run. Stuck inside these four walls, sent inside forever, never seeing no one dies again.

où il est tout juste 17h en plus. Bonsoir Hélène Fromanti. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Avant de regarder la couleur de ce ciel un peu maussade, c'est vrai, et toute l'actualité avec vous Hélène, un petit rappel de la route, c'est chargé sur la 22 sens Ganlis entre Roncq et la rocade nord-ouest, hein, facilement là, tout est rouge, toute la rocade d'ailleurs, hein, sens ouest Calanglo est bien perturbée, pareil pour la RN41, hein, bien chargée avant le rond-point de Fourneau-Ouep, autoroute 1, très dense aussi jusqu'au niveau du pont d'Ourges en direction de Paris, c'est surtout dans ce sens-là, et puis la terminaison de la 27 et le tronc commun de la 22, d'ailleurs pour s'insérer sur l'1 vers Paris, est très très rouge, voilà quelques points sur lesquels il faut être un petit peu plus vigilant, on va dire. Sinon, question météo, Hélène, c'est maussade. Oui, des nuages et de la pluie au programme d'ici ce soir. Demain, ce sera à peu près pareil, une journée bien couverte avec des averses dès le matin et des pluies plus intenses ensuite dans l'après-midi. Au lever du jour, on aura des températures relativement douces, 13 à 14 degrés. Les maximales seront comprises dans l'après-midi jusqu'à 17 à 18 degrés. Dans l'actualité, une femme a été retrouvée morte à son domicile à Lille. Selon les informations de l'agence France Presse, la police a été alertée en fin de matinée et le corps de la victime a été découvert dans une habitation du quartier Bois Blanc. C'est une voisine qui aurait alerté les forces de l'ordre. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Lille. Nous y reviendrons dans le prochain journal à 18h. À Roubaix, un homme a été blessé par balle hier soir, quartier du Pile, rue de Mons. Au moins un coup de feu a été tiré selon nos informations. Il y a toujours du retard cet après-midi au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Lille. La circulation aérienne reste perturbée après l'alerte à la bombe de ce matin qui a engendré l'évacuation de l'ensemble du site. Bonsoir Louise-Adélaïde Boinard. Bonsoir. L'alerte a été donnée, Louise, en milieu de matinée. Oui, vers 10h30, l'alerte à la bombe est enclenchée suite à un mail reçu par l'aéroport. Les 200 à 300 personnes présentes sur place, voyageurs comme membres du personnel, sont évacués. La police arrive, met le site en sécurité pendant que l'équipe de déminage inspecte les lieux avec des chiens. Les trois vols qui devaient arriver à Lille à ce moment-là sont déroutés à Paris, Bruxelles et Ostende en Belgique. En parallèle, les CRS ferment les bretelles de sortie de l'échangeur 20 sur l'autoroute A1 à hauteur de Léquin. Dans les deux sens, la route est coupée pendant 3 heures, ce qui crée de nombreux bouchons. Vers 12h30, les forces de l'ordre estiment qu'il n'y a pas de danger dans l'aéroport. Le site rouvre donc avec l'accord de la préfecture du Nord. En revanche, les vols qui sont partis cet après-midi et ceux qui vont partir ce soir de Lille auront tous du retard. Les couloirs aériens sont saturés, car une dizaine d'autres aéroports ont été évacués ce matin suite à des alertes à la bombe également, comme ceux de Beauvais, Lyon, Nantes ou encore Toulouse. Louise-Adélaïde Boinard, et les alertes à la bombe se multiplient ces derniers jours en France, en région parisienne. Le château de Versailles a de nouveau été évacué aujourd'hui. C'est la troisième fois depuis samedi. Le gouvernement qui revoit à la hausse le nombre d'incidents survenus pendant les hommages à Dominique Bernard. Le tout dernier bilan du ministre de l'Éducation nationale pointe au moins 357 perturbations ou contestations lors de ces moments de recueillement organisé dans toute la France lundi après l'assassinat du professeur de français à la cité scolaire d'Arras. Dans un premier temps, Gabriel Attal avait fait état de 179 saisines du procureur de la République. Le préfet du Nord, invité du 6-9 de France Bleu Nord ce matin, nous indiquait qu'une cinquantaine de ces incidents avaient été relevés dans notre département. Les obsèques, je le rappelle, de Dominique Bernard seront célébrées demain matin à 10h à la cathédrale d'Arras en présence d'Emmanuel Macron. Le chiffre ne fait qu'augmenter. 24 Français ont été tués en Israël et 7 sont toujours portés disparus depuis le début du conflit avec le Hamas. C'est ce qu'annonce Elisabeth Borne cet après-midi, 11 jours après le déclenchement de la guerre au Proche-Orient. La première ministre précise que 3500 Français ont d'ores et déjà été rapatriés d'Israël. Sur le terrain, les deux camps se rejettent toujours la responsabilité de la frappe qui a fait hier soir des centaines de morts dans un hôpital à Gaza. En déplacement sur place, le président américain Joe Biden a clairement apporté son soutien à Israël. Un match de football pour la bonne cause ce soir, une rencontre de gala organisée à 20h à Calais au stade de l'Épopée. D'un côté des personnalités calaisiennes et de l'autre côté des joueurs du Variété Club de France, parmi lesquels Didier Deschamps, Eden Hazard, Robert Pires, Sidney Govou ou encore Roméo Elvis. Il reste des places à partir de 15 euros. Les bénéfices serviront à financer des projets pour les enfants hospitalisés des pièces jaunes. Et donc ce temps maussade, on est obligé d'en parler, Hélène. Oui, avec des nuages, de la pluie qui tombe déjà ici à Lille. Voilà le programme pas très réjouissant pour votre soirée demain. Ce sera à peu près le même programme avec une journée couverte, des pluies attendues dès le matin qui s'intensifieront ensuite en cours de journée. Au lever du jour, les températures seront relativement douces, 13 à 14 degrés dans le Nord-Pas-de-Calais et les maximales dans l'après-midi devraient atteindre 17-18 degrés. Merci beaucoup, Hélène. Et vous allez atteindre allègrement le journal de 18h. Hein. Je laisse retourner à la préparation de tout ça. À tout à l'heure, Hélène. Un petit coup d'œil sur cette route, j'en parlais en ouverture du journal d'Hélène en deux, trois mots. Je vais essayer de détailler un petit peu plus ce qui est vraiment compliqué, notamment l'autoroute A22 dans le sens Gand-Lille, Neuville-en-Ferrin jusqu'au niveau de la rocade nord-ouest. Hein. Elle est bien rouge. Cette rocade aussi est un peu plus rouge encore entre Ouescal et Anglo. D'ailleurs, le secteur d'Anglo pour rejoindre la RN41 est rouge complètement. Hein. Par moment, vous êtes à l'arrêt aussi. Méfiez-vous surtout, parce que dès le début, vous allez être dans les bouchons sur la RN41. Ça fait 6 km de bouchons jusqu'au rond-point de Fourneau-Web. Elle est très très dense ce soir à cette heure-ci. Il fait gris. Comme l'a dit Hélène aussi, il peut y avoir quelques gouttes de pluie. Et moi, je le vois ici, par exemple, depuis le studio, ça pleut un peu. Alors, ça peut tomber aussi aux quatre coins de la région. Hein. C'est ce temps un petit peu maussade, automnal. Hein. Après tout, c'est logique, on est en automne, hein, vous allez me dire. Mais donc, ça complique un petit peu peut-être les conditions de circulation et ça rend la chaussée plus glissante. Méfiez-vous. On a du monde également sur la traversée de Villeneuve-d'Ascq, nationale 227, courbe de Babylone. Là, juste après la courbe de Babylone, tout le boulevard du Breuc jusqu'à la fin est rouge, saturé, saturation également, bien avant Saint-Germain-en-Laye sur la 27. Hein. Et donc, quand les deux se rejoignent, 227, A27 qui est saturé là aussi, vous l'avez compris, c'est ce qu'on appelle le tronc commun de la 22 à cet endroit-là, qui rejoint l'autoroute A1, ben, il est rouge, il est saturé, voilà, et puis vous aurez beaucoup de mal à vous insérer sur la 1 en direction de Paris, qui est ralenti d'ailleurs jusqu'au niveau du pont de Dourgin. Elle roule pas bien du tout là, hein, ce soir, l'île Paris. Alors dans l'autre sens également, dans une moindre mesure, à partir de la Tiche-Seclin, vous aurez aussi des difficultés pour arriver sur l'île, hein, parce qu'elle est quand même sur 9 km aussi en direction de l'île, légèrement ralentie, cette A1, c'est le moins qu'on puisse dire. On a du monde également sur la 21, à partir d'Auby, là c'est bien rouge, hein, gros coup de frein facile jusqu'à Hénin-Beaumont sur 6,5 km, ça met au moins un quart d'heure, hein, 20 minutes de temps de parcours en plus, hein, en direction de Lens, là. Ensuite ça roule à nouveau, méfiez-vous, ça va vite être chargé à nouveau, secteur de Montigny-en-Goële jusqu'au à peu près le secteur de Los Angeles, le contournement de Lens est quand même bien chargé. Pareil sur la nationale 47, là aussi à partir de Vingles, elle commence à être très dense en direction de Lens. On a des répercussions aussi sur la D165, hein, qui rejoint justement cette nationale 47, là en direction de la 47. Pareil, elle est sur 3 km très très chargée. Hein. Il y a des ronds-points aussi qu'on a beaucoup de mal à passer là sur cette petite départementale, méfiez-vous. On a du monde également sur le secteur de la 2, j'en parlais tout à l'heure, surtout dans le sens Bruxelles-Paris à partir d'Étreux. Vous avez 6 km mètres de bouchons jusqu'à Aulnoy, donc c'est bien bien rouge là, un quart d'heure dedans minimum. Ensuite ça roule, pont de Trille, la Sentinelle, ça ralentit à nouveau jusqu'à Olchin, en direction de Paris, dans le sens Paris-Bruxelles, à partir d'Olchin vous aurez jusqu'à Marly, grosso modo les ralentissements que l'on connaît habituellement. Hein. Méfiez-vous. Et puis la 16, j'y arrive parce que ça reste toujours compliqué, cette zone de travaux. Après Saint-Folquin, c'est une demi-heure de temps de parcours en plus, en direction de Dunkerque, ça fait 9,5 km de bouchons jusqu'au-delà de la plage, et dans l'autre sens Dunkerque-Calais, de Grande-Synthe, jusqu'à Bourbourg, là vous avez aussi 10 km de bouchons, 20 minutes de temps de parcours en plus. Bon courage les amis, bon courage, je suis avec vous là, je sais, il fait gris, il pleuvote un peu, tout ça, enfin bref, vous inquiétez pas, France Bleu est là à vos côtés, on vous accompagne pour rentrer à la maison, bon courage sur la route et dans les bouchons aussi, on est avec vous. Info, trafic, musique, découverte, culture et bonne humeur. C'est le 16-19 sur France Bleu Nord, Philippe Salé. Un petit Bonnie Tyler. Pour les souvenirs, it's a heartache. Et juste après, Juliette nous rejoint, elle nous propose une belle expo qui parle de notre région à découvrir. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but to your arms break. Full Game, It's a Heartache. À l'instant, elle a fait un carton hein, dans les années, à la fin des années 70, me semble-t-il, avec ce titre-là, Bonnie Tyler, numéro 1 du hit parade de l'époque, numéro 1 des ventes aussi, numéro 1 des singles, les 45 tours, parce qu'à l'époque, c'était quand même des 45 tours. Numéro 1 des 45 tours, ça fait surréaliste de dire ça aujourd'hui, mais c'est vrai. Pourtant, numéro 1 des 45 tours vendus à cette époque-là, Bonnie Tyler, It's a Heartache. Elle fait plus rien aujourd'hui, je crois, hein, d'ailleurs, mais bon, dommage. 17h12, elle fait beaucoup de choses, Juliette Delannoy, elle fait de la radio à mes côtés. Toutes les après-midi dans le 16-19, Juliette, je disais qu'on allait faire un petit tour dans la région pour cultiver notre culture régionale. On vous suit, Juliette, dans le Valenciennois avec une belle expo en plus. Et oui, pour retrouver une grande figure de notre patrimoine régional, Jules Mousseron, le poète mineur Jules Mousseron, qui est né à Denain en 1868 au Coron-Plat, dans une famille de mineurs qui a travaillé à la mine dès l'âge de 12 ans, qui a publié son premier recueil Fleurs d'en bas en 1897, et puis 11 autres recueils vont suivre, soit plus de 300 poèmes qui vont lui valoir la reconnaissance des milieux littéraires. Et bien sûr, on le connaît pour son personnage Cafougnette, lié au bassin minier. Nous commémorons le 80e anniversaire de sa disparition au musée de Denain, un petit mais passionnant musée de Denain, enfin, pardon, musée d'archéologie et d'histoire locale de Denain, et même pour être précis, musée de France. Musée de Denain, qui présente donc une exposition intitulée Jules Mousseron, vu par ses amis artistes. J'ai rencontré son conservateur et je lui ai demandé ce qu'il avait le plus marqué quand il a croisé la figure de Mousseron pour préparer cette exposition. Philippe Gaillot. On connaît plus ou moins son œuvre, évidemment, mais on découvre toujours des choses passionnantes. Par exemple, on a découvert assez récemment un poème qui date des années 20 pour le droit de vote des femmes de Jules Mousseron. Il ne faut pas oublier que les femmes ont pu voter qu'en 1945. Et un mineur du fin fond du Valenciennois demande dans les années 20 que les femmes votent en Rouchy, donc en patois, enfin ce qu'on appelle le patois. Ouais, le poète écrivain mineur était véritablement un grand progressiste. 1920, vote des femmes, quelle grande idée! Alors, que peut-on voir et que peut-on découvrir dans cette exposition d'une trentaine d'œuvres? Philippe Gaillot encore. Des sculptures, des peintures, et notamment des sculptures qui ont été réalisées par tous les amis de Jules Mousseron, tout ce qu'on appelle en gros l'école valenciennoise, c'est-à-dire ces gens qui l'ont représenté dans ses œuvres, alors à la fois dans ses œuvres de mineurs, puisque par exemple un sculpteur comme Corneille Tonissol l'a représenté en train de composer une poésie qui s'appelle La souris du fond, et puis d'autres comme Lucien Jonas, par exemple, l'ont représenté dans son rôle d'artiste, puisque en plus d'être un poète, c'était aussi un artiste de scène, puisqu'il a fait quelque chose comme presque plus de 1000 galas. Alors, pardonnez-moi, mais moi j'avais un peu oublié cet aspect de Mousseron, qui interprétait ces personnages, donc Cafougnette. Donc il interprétait ce personnage, et les artistes et ses amis artistes toute l'école valenciennoise, qui ont représenté ce personnage emblématique parce qu'il s'est vraiment incarné dans c'est vraiment l'incarnation poétique du Denaisy. L'incarnation poétique du Denaisy. J'aime beaucoup cette expression de Philippe Gaillot, conservateur du musée de Denain, qui est aussi musée de la CAPH, communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. Jules Mousseron, vu par ses amis artistes, c'est visible jusqu'au 31 décembre. L'entrée est libre et gratuite. Le musée est ouvert le mardi, le vendredi et le samedi, l'après-midi de 14h à 18h. Outre cette expo temporaire, je vous invite à y découvrir ses collections permanentes, de l'âge de pierre à l'aventure industrielle. vous traverserez les grandes époques qui ont marqué la ville de Denain et de sa région. Voilà, sortez, bougez, soyez curieux. Et ah non, je vous rappelle aussi que pratiquement tous les musées de notre région, Nord-Pas-de-Calais, proposent des programmes spéciaux pour ces vacances de Toussaint. Alors, ouais, profitez-en. Vous avez raison, merci, c'est bien de le rappeler. Merci Juliette. À 18h10, on vous retrouve tout à l'heure. Vous revenez régulièrement dans l'émission pour votre coup de cœur. Ça sera un concert à Vambrochy ce samedi qui met à l'honneur la chanson française. Qu'est-ce qui se passe à Vambrochy samedi? On sait tout vers 18h10 avec vous, Juju. Tiens, voici Zaz, elle est de retour, dites donc. Sur le chemin de ma quête, je guette les imprévus, les à côté. C'est pas la fin qui m'intéresse, je sais que la vie m'a déjà tout donné. Sur la route avant tout, sur la route avant tout. Quand je doute et que je prends des cours, quand je prendrai ma respiration, une destination et je rejoins. Bota de cuero y andar. Que hay tantos ríos y tanta maleza que pesa sin nadie detrás. Esa es la actitud, esa es la actitud. Caminar sin pensar la altitud. Cuando no veas salidas, recuerda que el bosque es más grande que tú. À l'instant avec Léo Rizza pour un featuring sur ce nouveau titre 17h19. Le ch'ti qui gagne. Agnès Delbar, Zef sur France Bleu Nord. Qu'est-ce qu'on gagne cette semaine? Bah, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va à la mer. Qui, nous? Mais non, pas nous deux, les candidats du ch'ti qui gagne. C'était une façon de parler. Va être temps de changer votre façon de parler. Oh, bah, je fais ce que je veux. Si vous le prenez comme ça, je vous dirai pas que la semaine prochaine, on gagne un passe-famille pour 4 personnes à Nausicaa. Toute la semaine dans le ch'ti qui gagne, un passe-famille pour découvrir Nausicaa, Boulogne-sur-Mer. À vous de jouer. C'est de 11h à midi tous les jours de la semaine. Sur France Bleu Nord, évidemment. France Inter présente « Quels parents sommes-nous ? L'éducation positive en question ». Une conférence interactive animée par Ali Rebbi. Quels outils favorisent une communication efficace parent-enfant et que vaut aujourd'hui l'éducation positive à l'épreuve de la vie quotidienne ? Rendez-vous demain à 20h avec mes invités, pédiatres, psychologues et chercheurs, pour parler parentalité et proposer des solutions pour les parents et les enfants. Une soirée unique à la Maison de la Radio et de la Musique, à vivre en direct en ligne. Informations et réservations sur franceinter.fr. Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire. Info, trafic, musique, découverte, culture et bonne humeur. C'est le 16-19 sur France Bleu Nord. Philippe Salé. Et vous, parce que je fais l'émission ici, moi, derrière mon micro, avec l'équipe technique et aussi avec Ahmed au Standard de France Bleu, mais avec vous, les auditeurs aussi, vous réagissez. Ça fait réagir Jeanne quand je dis, souriez un instant, bon intérieur, elle fait plus rien. Alors, quand je disais, elle ne fait plus rien, elle va venir en concert ici. C'est ce qu'a dit Jeanne à Ahmed au Standard. Elle vient en concert au Sébastopol en décembre. Ouais, c'est génial, c'est chouette. Merci d'ailleurs de le rappeler. C'est vrai, bonjour Jeanne, vous allez bien? Bonsoir. Oui, bonjour Philippe et bonjour à tous les auditeurs. En plus, une Lomoise, vous habitez l'Homme. C'est ça. Ouais, j'embrasse j'ai ma mère. J'ai juste réagi, hein, parce que ça, forcément, ça m'a étonné. Oui. Et quand vous avez dit elle ne fait plus rien, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle va faire début décembre? Non, mais je voulais dire, elle n'enregistre plus d'albums. C'est en ça que je voulais. Ouais, voilà. Mais vous avez raison de me corriger. Faut pas hésiter, les auditeurs, comme fait Jeanne. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, là? Ah, c'est pas une correction. C'est parce que justement, moi, j'ai réagi à ma manière, mais vous pensiez certainement au sens de la preuve, puisque j'avais pas réagi de la même manière que vous. Comme quoi, vous savez, c'est bien de s'expliquer, d'être clair, de partager. Parce que parfois on dit quelque chose et c'est pas forcément capté comme nous on l'a pensé. Absolument. Vous voyez, c'est d'ailleurs souvent ce qui pose problème dans la société aujourd'hui, c'est qu'on pense pas à mal, on dit quelque chose, mais on parfois... interprète tous différemment. Voilà, exactement. Voilà. Parce qu'on a tous un mode de pensée, parfois son schéma de pensée à soi et il est pas comme l'autre. Voilà. Et alors pour la petite blague quand même, j'espère quand même avec le prix du billet, elle fera quelque chose. Vous allez la voir, du coup, vous avez acheté vos places? C'est ça. D'accord. Combien le prix du billet? C'était quand même dans les 60 euros. Hein. C'est un cadeau, je peux pas le dire, mais quand même. Donc je me suis dit, c'est ça qui m'a fait réagir. Je me suis dit, j'espère que pour 60 euros, elle fera quelque chose. Oui, elle va vous chanter It's a Heartache. Elle va chanter, chanter les tubes de l'époque. C'était aussi Hero. Il y avait un titre avec Hero. Bon, j'ai plus le titre exactement. Bref, mais il y avait un titre très punchy comme ça aussi, mais il y en a eu plein d'autres aussi. Elle a cartonné à la fin des années 70. Alors le Sébasto, effectivement, vu la beauté du site, j'ai un doute quand même, parce que je me dis ça colle pas trop, mais bon, on est toujours surpris. Hein. Mais il y a une programmation très éclectique au Sébasto, franchement. Absolument. Complètement. Mais je veux dire, ça colle pas avec la décoration, l'intérieur, tout ce qu'il y a à l'intérieur du Sébasto, Bonnie Tyler. Pas trop. écoutez, je sais pas. Si ça tombe, elle a peut-être changé de goût. Elle a peut-être une déco maintenant qui est un peu plus rouge comme le Sébasto, un peu plus théâtral, hein, comme. C'est quand la date alors, Jeanne? Rappelez-nous la date. De mémoire, vers le 6 décembre, quelque chose comme ça. Enfin, c'est début décembre. Hein. Début décembre, Sébastopol, donc Bonnie Tyler, parfait. Et alors, évidemment, je ne fais pas de pub pour ça, hein, mais je voulais juste le signaler. Vous avez bien fait, l'émission est ouverte, c'est open. J'accueille les auditeurs avec plaisir qui ont des petites infos à donner. Bonnie Tyler, pas de nouvel album, je voulais dire, elle ne fait plus rien, elle n'enregistre plus, c'est ce que je veux dire, dommage. Par contre, elle va chanter tous ses anciens tubes sur la scène, ça c'est sûr. On verra, j'espère. Bon. Merci beaucoup, en tout cas, bonne continuation pour vos émissions. Merci, et puis bon début de soirée. J'embrasse les Lomois et les Lomoises dans ma maman qui habite à l'Homme, parce que je vois que vous êtes de l'Homme. Donc j'aime beaucoup la ville. C'est là où j'ai grandi. Pour nous, merci pour tout le monde. À bientôt Jeanne, bon concert avec Bonnie. Début décembre donc, Sébastopol de Lille. Fabienne Thibault, je ne sais pas ce qu'elle fait en ce moment, mais elle chante là les uns contre les autres. On se rend les uns contre les autres. Première version de Starmania, évidemment, avec Fabienne Thibault à l'instant. Pense pas si bête, Bruno Béard. Le petit agenda, c'est à vous, Bruno. Si vous recherchez un métier, une formation, un établissement, sachez que l'ONICEP peut vous aider dans vos démarches, dans vos choix et même vous aider dans la rédaction de votre CV. Afin de localiser une structure proche de chez vous et obtenir de nombreuses informations, rendez-vous sur onicep.fr. Si en tant que salarié, vous pratiquez le covoiturage, la région des Hauts-de-France prend en charge une partie des frais liés au trajet domicile-travail. Le montant est fixé à 20 euros par mois pour un salarié. Toutes les infos sur guide-aide.hauts-de-france.fr. Et enfin, le département du Pas-de-Calais a mis en place de nombreuses mesures pour aider les jeunes dans leur mobilité, trouver un emploi par exemple. Alors si vous avez entre 15 et 25 ans, renseignez-vous sur jeunesdu62.fr. C'est noté. Merci mon cher Bruno. Adé, tout savoir, c'est sur France Bleu Nord. Avant de faire un petit point sur la télé, les coulisses de la télé. Tes cheveux ont poussé, je vois que ta tête a changé. Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé. Je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je vole encore. Adé avec Tout Savoir, de toute façon j'en ai un peu comme ça, j'aime bien, c'est sympa. On va retrouver Tout Savoir sur la route, c'est avec Denis à la préfecture qui arrive tout de suite. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, T'as vraiment fait le plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Nord, ici, on parle d'ici. Oui, on va regarder la route d'ici, je le disais avec Denis à la préfecture. Bonsoir Denis. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre, on va faire la synthèse de nos routes, que c'est rouge en ce moment. Effectivement, en condition de circulation difficile et défavorable avec le temps et la pluie qui est présente sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France. Donc effectivement, conseil, effectivement, je réduis ma vitesse, j'augmente les distances de sécurité et puis j'allume mes feux et puis en rentrant à mon domicile, je vérifie que tous mes feux fonctionnent correctement pour effectivement s'engager correctement dans cette période hivernale. Bien de le rappeler, merci. Ouais. Voilà, donc effectivement c'est compliqué sur l'ensemble de l'agglomération lilloise ce soir, c'est chargé on va dire pour sortir de Lille, effectivement l'autoroute 1 reste chargée depuis les 5 voies de Ronchin jusqu'au secteur de Templemare en direction de Paris. Nouvelle densité à hauteur de l'échangeur de Carvin, ça commence des secteurs de Falampin, ça s'étire effectivement jusqu'à hauteur de Oigny, et nouvelle densité à hauteur de l'échangeur de Dourges à hauteur de l'autoroute A21. Donc voilà, circulation difficile dans le sens inverse, première densité à hauteur de Seclin jusqu'effectivement le secteur 2, l'Équin, et la rentrée sur l'île reste difficile. La nationale 356 est également très chargée, circulation très dense depuis secteur de Ouascal, terminant l'autoroute A22 en direction de l'île, quand vous arrivez depuis secteur de Roubaix. Nationale 227 qui traverse la commune de Villeneuve-d'Ascq, c'est la même chose sur toute sa longueur, depuis la cour de Babylone jusqu'au trop commun de l'autoroute A22, autoroute A27, commune de l'Équin. Ces deux autoroutes sont également chargées en terminaison, à hauteur notamment d'Anstin depuis le secteur de l'autoroute A27 quand vous arrivez depuis le secteur de Tournai, et cette erreur de Saint-Gamelantois sur l'autoroute A23 en arrivant depuis le secteur de Valenciennes. Donc prudence au coup de frein. Pour ce qui est de l'autoroute A25 en direction de Dunkerque, on a un accident qui est en cours, un accrochage entre deux véhicules juste avant le secteur du port fluvial en direction de Dunkerque. Et puis après effectivement on a une circulation qui est en accordéon à hauteur de Loos, à hauteur d'Anglo, à hauteur de l'échangeur d'Anglo, et ça s'étire jusqu'au secteur de la chapelle d'Armentières. Dans le sens inverse, c'est la même chose, c'est circulation qui est dense depuis la chapelle d'Armentières jusqu'effectivement à l'entrée de l'île, donc prudence. La nationale 41 en direction de la Bassée, c'est chargé depuis le secteur de l'Aisne-les-Aubourdins jusqu'effectivement le secteur de Fourlan-Web, le rond-point de Fourlan-Web en direction de la Bassée, donc prudence. La rocade nord-ouest, c'est dense dans les deux sens, sur toute la longueur, de Ouascal effectivement jusqu'au secteur d'Anglo, et dans le sens inverse, on a du monde depuis le secteur de Saint-André-les-Lilles en direction de Ouascal. Autoroute A22, au rétrécissement de 3 de voies hauteur de Marc-en-Barre, ça génère une difficulté depuis le secteur de la Pilaterie au secteur de l'autoroute A22, commune de Villeneuve-d'Ascq, donc prudence en direction de la Belgique. On va descendre sur l'autoroute A2, secteur de Valenciennes, où c'est pareil, c'est dense dans les deux sens de circulation, depuis le secteur d'Étreux jusqu'au secteur Rouvigny, dans le sens Bruxelles vers Paris, et dans le sens inverse, ça commence des secteurs de Holchin, et ça s'étire jusqu'au-delà de Aulnois les Valenciennes, donc prudence. Autoroute A21, en direction de Lens. Vous êtes nombreux à hauteur d'Auby, et après ça recommence dès le secteur de Dourges, ça s'étire progressivement jusqu'au Noël sous Lens. Dans le sens inverse, prudence, un accident en cours à hauteur de l'échangeur de Dourges, donc dès le secteur de Montigny-en-Gouëlle, vous êtes à l'arrière du bouchon, un véhicule en cause, les opérations de dépannage sont en cours. Pour ce qui est de la nationale 47, on nous signale un poids lourd en panne dans le sens Lens vers la Bassée, à hauteur de Douvrin, véhicule immobilisé, voie de gauche. Et puis sur le littoral, ces zones de travaux à hauteur de Lonne-Plage qui génère des difficultés sur 8 km. À cette heure-ci, vous êtes gêné de part et d'autre, des secteurs de Grande-Synthe dans le sens Dunkerque vers Boulogne, et dans le sens Boulogne vers Calais, ça commence des secteurs de Saint-Folquin. Donc prudence ce soir sur l'ensemble du réseau. Effectivement, il y en a de l'info, merci, c'est complet Denis, quand je disais, on a fait le tour, mais c'est vraiment très dense. Merci, à tout à l'heure Denis. À tout à l'heure, merci. Info, trafic, musique, découverte, culture et bonne humeur. C'est le 16-19 sur France Bleu Nord.

raisonnable et nouveau. C'est ainsi par ici. Amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. C'est du Goldman, un coup d'humain évidemment pour même Céline Dion. Si vous l'aimez encore, elle sera là. Marie Saint-Filtre, vous savez, cette femme qui a un culot monstre, elle a commencé par des petites vidéos, c'était en 2017 sur les réseaux sociaux, à se faire connaître, elle s'infiltrait. Une fois, elle a même montré ses fesses à une soirée, je crois que c'était les Césars. Je lui demanderai tout à l'heure, vous savez, elle a relevé une longue jupe comme ça, elle a fait ce qu'on appelle un happening, un truc comme ça, qui a été d'ailleurs assez décrié, mais et elle a un spectacle qui tourne autour du culot, justement. Elle sera le 9 novembre au Sébastopol de Lille, et le 10 novembre, le lendemain, au Kursaal à Dunkerque, et elle sera avec nous par téléphone dans quelques minutes. On fera un petit point sur son spectacle, d'ailleurs, qui est sur le thème du culot. Ça sera l'occasion de la découvrir un petit peu et peut-être vous donner envie d'aller la voir sur scène chez nous. Pour l'heure, je vous offre Louane, Si j'étais là. C'est dans le 16-19. Bonne route, bon retour à la maison, soyez prudents. Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais? toi si t'étais là. Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup. Je sais que t'es là pas loin, même si c'est faux. Les fous c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Tu ferais toi si t'étais là? Si t'étais là, la belle, cette chanson, un beau texte aussi. Louane, à l'instant dans le 16-19 de France Bleu Nord. Sur France Bleu le dimanche soir, ça rock à tout va. Classique rock. Montez le son. Classique rock. Classique rock. Le dimanche dès 22h sur France Bleu, Classique Rock. Le matin sur France Bleu Nord, toute l'équipe du 6-9 vous réveille. Ça presse pas surtout, hein. Et pour ça, on a tout ce qu'il faut. Ah non. L'information, la météo, l'infotrafic, la musique. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et bien sûr, on vous écoute. J'écoute. Car vous prenez la parole. Non, c'est nous qui vous écoutons. Oui, enfin bon, on discute ensemble. On a repoussé les limites, là. Oui, car c'est à la radio et vous nous regardez en plus sur France 3. Je peux vous dire précisément ce que vous allez chercher demain matin. Oui, tout ce qu'il faut pour bien débuter la journée. Vous êtes qui, bordel? Tout simplement l'équipe du 6-9. T'es pas le seul à faire ton boulot, hein, mais ça te donne pas le droit d'emmerder le monde. Je sais, alors à demain. C'était très bien. Vous êtes à la recherche d'un emploi ou en reconversion professionnelle? Formez-vous au métier qui recrute. Demandeur d'emploi, la région Hauts-de-France finance à 100% votre formation. Avec la région, je me forme au métier de demain. Plus d'informations au 0800 026 080 ou sur www.hautdefrance.fr. Info, trafic, musique, découverte, culture et bonne humeur. C'est le 16-19 sur France Bleu Nord. Philippe Salé. Ouais, je vous parlais il y a quelques instants de Marie Saint-Filtre. Vous savez, cette femme qu'on voit parfois à des endroits un peu inattendus. Une fois, on a même vu ses fesses, je me souviens, à la télévision, c'est vrai, Marie. Sur les réseaux sociaux, c'est une comédienne, auteure ou autrice, dites comme vous voulez, chanteuse, danseuse, surtout une passionnée de théâtre et de scène. Elle s'est fait connaître à peu près en 2017 sur les réseaux sociaux, grâce à des vidéos assez satiriques, hein, vous en avez peut-être vu quelques-unes aussi. C'est un tremplin, en fait, pour dévoiler son culot. Sur scène, elle met vraiment le thème du culot à l'honneur. On va dire, c'est ça sur scène, Marie. Alors qu'est-ce que le culot? C'est avoir peur, brûler de faire ce qu'on redoute le plus. C'est avoir une envie folle de son impossible. Être terrassé, mais y aller quand même. Juste parce qu'on a décidé et voulu. Et ne pas le faire, c'est une déception immédiate. Un soulagement froid, un confort indigne. Le culot, c'est un moment de révolte, d'insoumission. Le culot, c'est sauter, à pieds joints, dans le vide. Une adrénaline naturelle dont on est le maître. Une drogue infernale. Le culot, c'est ne pas consentir, ne pas être à la mode. Le culot, c'est arrêter d'espérer, d'attendre. C'est faire, c'est être. Le culot, c'est l'aventure. C'est renoncer à l'ennui. Le culot, c'est être sérieux. C'est faire ce qu'on a décidé de faire. Ne pas se dérober, ne pas fuir. Le culot, c'est être devant vous. Libre, folle, définitivement. Folle. Sérieux. Vous verrez son cul, l'eau, les 9 novembre, Sébastopol à Lille, et le 10 novembre, le lendemain, au Dunkerque, au Cursal de Dunkerque. Bonjour Marie Saint-Filtre. Bonjour, alors je vous appelle en plein, je suis dans le train qui va de Lille à Paris, du regard, parce que je hurle en pensant qu'en hurlant, je vais capter plus. Non. Donc si à un moment ça coupe, ça coupera. Et puis, bah oui, ça risque de couper dans le TGV, on sait que ça passe ou ça passe pas, c'est ça le truc Marie. Je disais à nos auditeurs que vous venez nous rendre visite pour montrer votre culot sur scène, hein. C'est ça les 9 novembre à Lille et le 10 à Dunkerque au Cursal, c'est ça, hein? Absolument, et on a même rajouté une date, le 28 à Lille, parce que c'était complet. Bien, ça cartonne. En fait, les gens vous ont découvert, je disais, en 2017 sur les réseaux sociaux. On vous a vu même en télé. Je disais qu'à un moment, on a vu vos fesses. Je me souviens, c'était Antoine de Caunes qui présentait. C'était quelle soirée d'ailleurs, ça? C'était la soirée des Césars. Césars, ouais. Il me semblait bien. Hein. Vous avez fait ce qu'on appelle un happening. Hein. Vous êtes descendu carrément. Vous avez soulevé votre jupe. Je me rappelle. Mmh. Vous êtes reparti. Il fallait bien trouver quelque chose. Hein. Mais ça a besoin. Alors, parfois l'inspiration. Mais pourquoi Marie? Par vraiment, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? C'était quoi en fait l'idée derrière ça? C'est un mec purement spontané. L'idée, c'est qu'il fallait que je fasse un truc de culot parce que je ne pensais pas que j'allais pouvoir être aussi près de la scène, etc. Ouais. Et j'ai fait une petite partie de mon spectacle à un moment parce que c'est le plus simple à faire pour moi. Ouais. Et ce qui était une ode pour moi à l'irrévérence française au French Cancan, à une façon que les artistes peuvent savoir de se dénuder, et quelque chose que j'apprécie fortement. Ouais. À ce moment-là, vous n'étiez pas très culotté. d'une certaine façon. Sur scène, donc, je disais que vous êtes... alors, on vous a connu en 2017 à peu près les réseaux sociaux, hein, ces vidéos qu'on voit encore, hein, énormément partagées, évidemment, beaucoup d'Insta, beaucoup de petites vidéos sur Insta aussi. C'est surtout un tremplin, c'était une manière d'arriver à la scène, c'est ça, d'arriver au spectacle pour montrer votre vision du culot, on va dire, sur scène? Absolument, c'était un moyen que j'ai trouvé pour me faire connaître, pour être libre. Pouvoir présenter. Voilà, oui, c'est un peu coupé au niveau de la communication dans le train. C'est ce qu'on craignait malheureusement. Ah ouais. Ouais. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça se mérite, hein, cette interview. Donc sur scène, donc au Sébastopol ou encore au Cursal. C'est la folie, donc c'est-à-dire vous présentez le culot à votre façon, sous toutes ses formes, c'est ça un peu l'idée? Je le présente et surtout, je permets au spectateur de libérer son culot. Ouais. De venir avec un culot qui est un petit peu étriqué, avec un moral en berne, avec un désir qui est parfois un peu comprimé, contraint, et que le spectacle en 1h40 va totalement révéler, va désinhiber. Voilà. J'ai un gros décoinçage de cul, on va se dire. Ah, c'est participatif, Marie? C'est-à-dire que avec le public, vous jouez avec le public? Je joue avec le public et surtout, ils jouent avec moi. Ouais. Donc, c'est, je dirais, 1h45 de pure liberté entre le public et moi. C'est pas que de la fantaisie, c'est un spectacle qui aborde aussi des sujets un peu plus sérieux. On passe par toutes les émotions et le public en ressort avec une énergie nouvelle, un désir d'aller jusqu'au bout de ses rêves, d'accomplir certaines choses, de se lâcher, ouais. Mais aussi d'aller plus près de son sens. D'accord, voilà. D'être en accord. Que, ouais. Voilà, d'être en accord, de savoir exactement ce qu'il désire, ce qu'il n'a pas encore réalisé, ce qu'il aimerait réaliser. Et en quoi il ne se sent pas totalement à sa place aujourd'hui dans sa vie. Épanouissez-vous, allez voir Marie sur scène. Hein. Merci Marie Saint-Filtre, merci beaucoup. Et ça fait une belle peau, ça fait une très belle peau et des jolis cheveux. Ça fait une belle peau et des jolis cheveux, ça a une double action, c'est comme les shampoings à double action. Ça marche pour plein de choses. 9 novembre, Sébastopol de Lille, 10 novembre, Dunkerque au Cursal, et une nouvelle date, donc Marie, c'est quand, rappelez? Le 28 mai, à Lille au Sébastopol. Voilà, Sébastopol, belle salle, vous allez vous régaler. Merci beaucoup Marie, bon voyage dans ce TGV. Merci beaucoup. À bientôt Marie Saint-Filtre, ciao. Voilà, si ça vous dit, les dates, vous les avez notées, et découvrez-la sur scène, vous l'avez vu forcément sur le net, vous avez vu des vidéos passées, ou bien lors de Happening, on en parlait avec Antoine de Caunes lors de ses Césars. Si vous voulez voir ce qu'elle donne sur scène, allez-y, tentez votre chance et découvrez-la sur la scène, et libérez-vous, comme elle l'a dit. Moi, je vous libère aussi du côté des concerts, je vous donne la petite info qui va bien pour aller voir une grande artiste. L'une des dernières grandes stars de notre planète dans le journal des concerts, celle qui a créé les modes, imposé son style provoque, fait danser le monde entier, Madonna est de retour à deux pas de chez nous. concert de Madonna au Palais des Sports d'Anvers, c'est ce samedi 21 octobre. Et d'ores et déjà, c'est complet. Mais no panique, si vous n'avez pas réussi à décrocher votre sésame, Madonna a décidé de rajouter, enfin sa production, une date anversoise à son planning de tournée. Elle sera également donc sur la scène du Palais des Sports ce dimanche 22 octobre. Les billets pour ce concert supplémentaire sont disponibles dès maintenant. Dépêchez-vous, ça part à une vitesse incroyable. C'est la bonne nouvelle de ce début de semaine pour les fans de Madonna. Elle a annoncé l'info donc dans une vidéo qui est déjà virale. Nouvelle tournée mondiale pour la Madonna, Madonna's Celebration Tour. Tous les plus grands hits de Madonna qu'on écoute, 40 ans de carrière. Il reste encore des places en vente pour ce dimanche 22 octobre, de 45€ si toutefois il reste des places à ce tarif, mais ça peut monter jusqu'à plus de 300€ la place. Et pour la voir sur scène, c'est vrai que ça n'a pas de prix. Je suis prête. Vous êtes prêts aussi ? France Bleu soutient les nouveaux talents de la scène musicale française. Découvrez ce soir Sophie Darly. Éric Bastien. Sophie, c'est une amoureuse de la soul, du jazz, du blues. C'est un bel héritage musical qu'elle a découvert grâce à ses parents. Elle partira aux États-Unis quand elle a 20 ans et là, ça y est, elle découvre le son de la Motown. Les standards de la soul l'inspirent. Un nouvel album est à découvrir. Sophie Darly, c'est à 20h. La nouvelle scène musicale. Découvrez les artistes de demain sur France Bleu, chaque soir, dès 20h. Le club des Lève-Tôt sur France Bleu, au petit matin, un réveil souriant pour vous servir et vous informer. Bonjour, Robin Bernot. Chaque matin, on vous raconte toute l'actualité en direct de nos régions. À 5h et 5h30, les journaux de Soisy-Bourg. À 5h15, on fait le tour des unes de nos quotidiens régionaux. Et à 5h45, c'est l'info des Lève-Tôt, un sujet d'actu sur lequel nous zoomons afin de mieux comprendre. Le club des Lève-Tôt sur France Bleu, du lundi au vendredi, dès 5h. Non. France Bleu présente la comédie musicale incontournable Le Roi Lion. Applaudi par plus de 850 000 spectateurs, toutes générations confondues, la troupe du Roi Lion revient pour une troisième année sur la scène du Théâtre Mogador. Un spectacle grandiose. Le Roi Lion, uniquement au Théâtre Mogador à Paris. Avec France Bleu. MMA, Business Entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. MMA. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. La Nostalvie. C'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé La Nostalvie, à ne pas confondre avec la nostalgie. La Nostalvie, c'est rose et jaune comme le soleil, c'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La Nostalvie de Patrick Sébastien, un récit à savourer, un livre XO. À Cassel, le musée de Flandre vous propose du 21 octobre au 5 novembre des vacances d'automne hautes en couleurs. Au programme, parcours famille, ateliers et stages d'art plastique, sans oublier la grande rencontre de l'étrange, samedi 28 octobre de 14h30 à 17h30. Une après-midi ensorcelée avec artistes de cirque et musiciens du collectif du plateau, accompagnés des plasticiens du musée de Flandre. Plus d'infos sur museedeflandre.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Nord. Où il est 18h, bonsoir Hélène Fromantier. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. On va va regarder le ciel, Hélène, et toute l'info avec vous. Dans deux secondes et demie, le temps pour moi de vous rappeler quand même que c'est très chargé sur la voie rapide urbaine en direction de Lille, sur le secteur de Villeneuve-d'Ascq aussi, et l'A22 en direction de Gand jusqu'à Mouveau, là aussi, c'est énorme. Il y a beaucoup de monde sur la rocade nord-ouest, dans les deux sens d'ailleurs, hein, Ouascal-Anglo, Anglo-Ouascal, RN41 très chargée, l'A1 est très chargée jusqu'au niveau du pont de Dourges, et l'A21, la terminaison de la 47, qui déjà est très chargée, la 47, en direction du pont de Dourges, c'est complètement saturé, soyez prudents. On fera un point d'ailleurs juste après le journal d'Hélène. Un petit coup d'œil sur le ciel peut-être. Oui, on verra pas beaucoup le soleil demain puisque la journée sera encore bien couverte avec des averses dès le matin, des pluies qui deviendront d'autant plus intenses en cours de journée. Au lever du jour demain, on aura 13 à 14 degrés jusqu'à 17 à 18 degrés dans l'après-midi. Dans l'actualité, un homme de 18 ans condamné à la prison avec sursis après le saccage des Restos du Cœur à Ouattrolo dans la métropole lilloise. Oui, ce jeune était jugé cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Lille. Il écope de 6 mois de prison avec sursis. Les faits remontent au 1er septembre dernier. Ce jour-là, deux jeunes de 14 et 18 ans ont lourdement dégradé 12 véhicules des Restos du Cœur sur le site départemental donc situé à Ouattrolo. Les locaux de l'association ont aussi été dévastés et le matériel informatique abîmé. Louise Forbin, vous avez suivi l'audience pour France Bleu Nord. Le tribunal a tenté de comprendre aujourd'hui pourquoi ce jeune homme avait commis de tels actes. Pourquoi s'être attaqué au Resto du Cœur? C'est la question qui rythme cette audience. Mais le jeune garçon de 18 ans qui s'avance d'un pas hésitant jusqu'à la barre ne parvient pas à s'expliquer. « Je ne sais pas », répond-il à la présidente. Il se tient droit, attentif, mais il est quasiment impossible de le faire parler. Des pistes d'explication sont alors soulevées par la présidente. Dans son rapport, le médecin souligne que l'accusé souffre d'hyperactivité et le jour des faits, il n'avait pas pris son traitement, ce qui a pu altérer son discernement. Plusieurs adjectifs sont prononcés par les avocats et la présidente pour tenter de décrire la personnalité du jeune majeur. Immature, influençable, imprudent, impulsif. Et quand on lui demande s'il regrette, l'accusé a du mal à exprimer ses remords. S'il n'arrive pas à le formuler oralement, il a tout de même écrit une lettre à l'association dans laquelle il présente ses excuses. Louise Forbin est le deuxième jeune homme poursuivi dans cette affaire. Un mineur de 14 ans a lui été placé sous contrôle judiciaire. Il doit comparaître le 9 novembre devant le juge pour enfants. Une enquête confiée à la police judiciaire de Lille après le décès d'une femme. Une femme travailleuse sociale retrouvée morte, tuée à coups de couteau chez elle, quartier Bois Blanc, donc à Lille. La police a été alertée en fin de matinée par une voisine. Il n'y a pas eu d'interpellation à ce stade. À Roubaix, des échanges de coups de feu ont été entendus hier soir vers 23h30. Rue de Mons, quartier du Pil. Selon nos informations, un homme blessé par balle a été déposé dans la nuit à l'hôpital. D'importants retards ce soir encore sur les vols au départ et à l'arrivée de Lille-Léquin. Les couloirs aériens sont saturés suite à des alertes à la bombe dans une dizaine d'aéroports du pays, dont celui de Lille et aussi de Beauvais, de Lyon ou encore de Strasbourg. Chez nous, l'alerte a été lancée vers 10h30 ce matin suite à la réception d'un email malveillant. Entre 200 et 300 personnes qui se trouvaient sur le site de l'aéroport ont été évacués le temps que les forces de l'ordre lèvent tous les doutes. Les alertes à la bombe se multiplient en France depuis l'attaque d'Arras la semaine dernière. Ce soir, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, prévient que les auteurs seront retrouvés et punis. Fermez les guillemets. Justement, Hélène, après cette attaque, les obsèques de Dominique Bernard seront célébrées donc demain à Arras. Oui, matinée, en effet, dommage en mémoire de ce professeur de lettres tué à coups de couteau vendredi dernier devant la cité scolaire Gambetta Carnot. La messe doit débuter à 10h. Dans la cathédrale d'Arras, présidée par l'évêque d'Arras, Monseigneur Le Borgne. Bonsoir Antoine Barège. Bonsoir. Cette cérémonie sera retransmise sur un écran Place des Héros, car les obsèques ne seront pas accessibles au grand public. Oui, la famille de Dominique Bernard souhaite une cérémonie digne, mais sans le grand public. L'épouse du professeur de lettres, elle-même enseignante, ses enfants sont un peu dépassés par les événements. Ils seront soutenus dans la cathédrale par Monseigneur Le Borgne, l'évêque d'Arras, qui présidera donc, par le chef de l'État, Emmanuel Macron, son épouse, Brigitte, ancienne professeure, et par des proches et des collègues. Tout le secteur de la cathédrale sera bouclé demain matin. Les journalistes sont priés de ne pas venir. La famille, très touchée par les marques de soutien, a proposé quand même de mettre en place un écran géant sur la place des Héros à 600 mètres de la cathédrale. La messe sera diffusée en direct et la place sera totalement bouclée avec quelques accès seulement qui seront très surveillés. Il y aura des fouilles, des patrouilles et des drones. La police annonce que ces drones survoleront la cathédrale et la place des Héros pour assurer la sécurité des personnes et prévenir tout trouble à l'ordre public. Après la cathédrale, la famille de Dominique Bernard rentrera à Berneville, dans le village du professeur au sud-ouest d'Arras, pour une cérémonie, cette fois dans la plus stricte intimité. Et nous serons donc demain sur cette place des héros. Un écran géant, vous le disiez, sera installé à Arras. Donc cérémonie à suivre avec nous sur France Bleu Nord demain matin, matinée hommage sur notre antenne entre 9h30 et midi. Ce sera également à suivre sur francebleu.fr. 11 jours après le début de la guerre avec le Hamas, Israël autorise finalement l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien précise que seule de la nourriture, de l'eau et des médicaments en provenance d'Égypte pourront être réceptionnés, mais que toute denrée qui arriverait au Hamas sera neutralisée. En ce qui concerne les victimes françaises, le dernier bilan fait état de 24 personnes tuées, 7 toujours portées disparues. Depuis le début des hostilités, Paris a déjà fait rapatrier 3500 Français d'Israël. Le Parlement français débattra de cette situation au Proche-Orient la semaine prochaine. Pour l'heure, l'Assemblée nationale se penche sur le projet de budget pour 2024 et Elisabeth Borne a engagé cet après-midi la responsabilité du gouvernement avec le 49-3 sur la partie recettes, dans l'espoir donc d'un vote, d'une adoption sans vote de cet article. Réponse immédiate de la France insoumise et du Rassemblement national qui vont tous les deux déposer une motion de censure. En basket, les joueuses de Villeneuve-d'Ascq disputent ce soir un nouveau match de groupe d'Euroleague. Elles vont affronter ce soir à 20h l'équipe turque de Mersin à domicile au Palatium. Les Villeneuvoises sont actuellement 3e de leur poule dans cette compétition européenne. Il pleut sur une partie de la région, Hélène. Oui, et ça va continuer demain avec déjà pas mal de nuages dans la matinée et des averses là aussi dès le matin. Des pluies qui devraient s'intensifier ensuite en cours de journée. Au lever du jour, les températures seront relativement douces. On aura 13 à 14 degrés. Et dans l'après-midi, ça va continuer à grimper avec des maximales attendues entre 17 et 18 degrés. Merci Hélène. L'info revient à 19h, évidemment. Couvrez-vous en sortant ce soir. Hein. Ouh là là, c'est terrible. Parapluie. Ouais. On va regarder la route aussi. Attention, soyez prudents avec cette chaussée humide et glissante. Notamment, je vous parlais tout à l'heure de la Nationale 47. Alors, Nationale 47 en direction d'Illy. Hein. C'est dans ce sens-là où c'est vraiment très, très, très chargé. Quand vous quittez Lens et que vous prenez la 47 pour partir vers la 41, on va dire, hein, au bout de tout ça, et secteur d'Illy, il y a 6 km de bouchons car il y a un véhicule en panne sur le secteur. Ça nous rajoute quand même une vingtaine de minutes de temps de parcours supplémentaire. La 21, très très chargée, cette A21. Donc justement, en terminaison de Nationale 47, la jonction avec la 21 pour partir en direction de Dourges, hein, du pont de Dourges, vers Douai ensuite, est très très chargée. Donc le contournement de Lens là aussi pose vraiment problème. 12 km de bouchons, 3 quarts d'heure de temps de parcours supplémentaire, ça c'est le minimum. Hein. Jusqu'au niveau du pont de Dourges, l'insertion avec l'A1 secteur de Dourges est quand même très difficile. D'ailleurs sur la 1, quand vous arrivez dans le sens Lille-Paris, vous aurez pas mal de difficultés. Cette grande courbe là qui vous ramène sur la 21 pour partir en direction de Lens, aussi sur 900 mètres, un petit kilomètre, est quand même très très rouge, très chargé, méfiez-vous. On a du monde en direction de Lens, depuis Auby là aussi, jusqu'au niveau du pont de Dourges, un petit 6 km quand même de densité de trafic, c'est moins chargé dans ce sens-là, en direction de Lens. Et vous aurez également un ralentissement un peu plus loin, au niveau de Loison-sous-Lens, jusqu'au niveau de la Nationale 47, le tout en direction de Bully-les-Mines, Aix-Noulette, hein, attention quand même. Vous avez toujours du monde sur la 2, la 2 c'est chargé dans le sens Bruxelles-Paris, un petit peu après Étreux, là aussi, sur le Tain, vous aurez donc ces plusieurs kilomètres de ralentissement jusqu'à Aulnoy-les-Valences. Donc attention là aussi, surtout dans ce sens-là, Bruxelles-Paris, même si dans l'autre sens, au niveau du pont de Tri, vous avez quelques coups de frein, quelques ralentissements. Donc soyez prudents. Du monde sur la rocade nord-ouest dans les deux sens, elle est très très chargée, très dense, cette rocade nord-ouest. La 22 est chargée dans les deux sens aussi, beaucoup plus en direction de Gand d'ailleurs, depuis Villeneuve-d'Ascq, hein, avec également dans l'autre sens, en direction de la Nationale 227, une densité énorme. Un boulevard du Broc chargé sur toute sa longueur. En bas de tout ça, le tronc commun de la 22 est complètement rouge aussi, puisque les terminaisons la 27 et la 23 sont saturées là aussi pour rejoindre le secteur de Villeneuve-d'Ascq ou bien ensuite vous insérer sur l'autoroute 1, qu'on appelle le tronc commun de la 22, la courbe de l'Équin. Tout ça est quand même très chargé. Pour venir sur l'île aussi, vous aurez des ralentissements à partir de Seclin-Avelin pour rejoindre l'île. 10 km de densité, un quart d'heure de temps de parcours en plus. Et puis la voie rapide urbaine à partir de Marc-en-Barœul. En direction de l'île, il y a eu un accident sur le secteur. Hein. Donc tout est chargé jusqu'à l'arrivée sur l'île, avec un quart d'heure à 20 minutes de temps de parcours supplémentaire. On a également le secteur de Ouescal qui est assez engorgé, complètement engorgé même, en direction de Roubaix, Tourcoing. Donc là, cette voie rapide urbaine, elle est quand même assez problématique. Hein. Patience là aussi, si vous êtes sur ce niveau-là. Ailleurs, j'ai envie de dire, ça roule, hein. Ailleurs, bien sûr. Mais sur la 16 aussi, soyez prudents avec la zone de travaux. C'est surtout beaucoup plus chargé en direction de Dunkerque, Calais-Dunkerque, hein, avec 10 km

Savoir aimer. Florent Pagny, grosse pensée pour eux, énorme pensée pour Florent. Côté culture, Juliette, vous nous retrouvez évidemment. On a bien besoin de se retrouver pour partager de bons moments chaleureux. C'est pourquoi avec vous, Juliette, eh ben on va partager votre coup de cœur du jour, n'est-ce pas ? Oui, j'ai un gros penchant pour De La Mancha, groupe de chansons françaises à découvrir en concert ce samedi avant Brochy. De La Mancha, c'est Gabi de Villeneuve et Simon de Mouveau. Une guitare, un banjo qui parcourent le globe et nous entraînent dans leurs aventures. Olé olé, multiculture, multicolore, Gabi de Villeneuve. Bah, finalement, si les Flandres ont été espagnoles à un moment, peut-être que c'est ça aussi et que c'est ce mélange entre la Java et la valse musette et la valse péruvienne, la rumba flamenca, enfin voilà, c'est ce mélange-là qu'on essaye de faire. Vous essayez et vous réussissez parfaitement parce qu'on goûte vraiment votre complicité. Il y a vraiment de ça sur scène, de quelque chose qui est en même temps un peu foutraque mais extrêmement bien rodé. Hein. Il y a une grande complicité entre vous. Ben, c'est qu'on est aussi des super copains, qu'on a commencé en étant tout simplement voisins. Et à force d'être voisins, on s'est dit tiens, c'est quand même sympa de jouer ensemble. Donc forcément, la complicité, c'est aussi une grande histoire d'amitié qui nous lie. Donc c'est sûrement que c'est ça qui participe aussi. Calypso, tango, cega, sucos, polka, faro, valso, mazurka. Chaque pays se danse, elle en avance, un pas de côté. De La Mancha, c'est aussi un spectacle. Gabi et Simon, rebaptisés Gabriello, El Pequeño et Simono, El Grande, nous régalent avec leur duo malicieux et super complice. Ben oui, on fait un peu les clowns, on essaye d'être un peu drôle, des fois. Mais c'est que finalement, c'est aussi réussir à mettre un peu de sens de l'humour et un peu de liberté dans des thèmes qui sont abordés, qui sont pas toujours si légers que ça. Nous, on a vraiment essayé de garder cette idée de dire qu'on arrive à avoir quelque chose qui sans forcément être juste dans la légèreté de pas dire grand chose. On essaye quand même de dire des choses un peu qu'on pense et qu'on trouve importantes à dire, mais on essaye aussi de rigoler et de faire partager ça aux gens, quoi. De La Mancha, c'est de la musique à danser pour faire la fête. On y va ce samedi en métropole illoise à Vambrechy. Salle des fêtes, 19h30, ouverture des portes, hein, sinon concert à 20h, avec en super bonus le groupe Bazar et Bémol. Alors moi, je vous le dis, il faudrait être vraiment fou de ne pas en profiter. Cocorico, merci Juliette Delannoy avec nous tous les jours pour ce petit rendez-vous sortie loisirs culture. Le matin à 8h40 sur France Bleu Nord, on pourrait entendre ceci. C'est pas mal. Ou encore ceci. Ouais, c'est bien. Mais tous les matins à 8h40, on écoute... Best music. Enfin presque. On écoute la chanson qui met de bonne humeur. Alors quelle sera la chanson qui met de bonne humeur ? Réponse demain à 8h40 sur France Bleu Nord. Info, trafic, musique, découverte, culture et bonne humeur. C'est le 16-19 sur France Bleu Nord. Philippe Salé. Ouais, bah moi, la chanson qui me met de bonne humeur, la Starcy, 18h18, c'est ça, Jane, dans son dernier album Night Hates. Voilà, Jane, c'est sympa, montez le son, découvrez avec nous, c'est sur France Bleu maintenant. Paris, it's raining on a Saturday night, but it cannot keep me away from the sound. Holding my breath. Cause my heart beats too loud. Flashing lights couldn't sit on the skin. Facing my desire caught me by surprise. Like two falling autos, the moon is on the rise. Maybe I'm dreaming, maybe I'm crazy, but I think I'm seeing what you and I.